Je retourne chez M. Firmin. Il est en voyage. Je vais chez M. Fidèle, un autre placeur. Mon tour est arrivé. M. Fidèle m'interroge. Que voulez-vous? Avez-vous déjà enseigné? Quels sont vos états de service? Avez-vous des certificats? Je montre mon diplôme de bachelier. J'invoque la profession de mon père. Je suis né dans l'université. Ah! Votre père est professeur. Vous auriez dû rester dans son collège et entrer comme maître d'études, au lieu de pourrir dans l'enseignement libre. Je ne peux pourtant pas lui dire que je déteste ce métier de professeur, encore moins lui conter que je ne voudrais pas prêter le serment, celui que devait prêter à Napoléon, les enseignants du public. Il y a une place dans un externat, rue Saint-Roch, de 8h du matin à 7h du soir. Je veux bien. Je pars avec une lettre pour M. Benoiset, rue Saint-Roch. Avez-vous enseigné déjà? Non, je suis bachelier. Je ne veux pas être bachelier. Savez-vous apprendre babubibobu? Avez-vous dit pendant des journées babubibobu? Babubibobu pendant des journées? On essaie quand même. 30 francs par mois. Mes élèves ont de 6 à 10 ans. Je dis babubibobu aux uns. Je fais faire des bâtons aux autres. C'est le 30. Monsieur Benoiset m'appelle. Je dois vous avertir que je serai obligé de me priver de vos services en 15 jours. Vous êtes l'incapacité même. Et de plus, vous faites peur aux enfants. Je frapperai à d'autres portes. Je suis trop vieux pour les uns, trop jeune pour les autres. Le professorat libre m'est défendu. Il faut absolument commencer par le bagne du pionnage. Mes souliers se décollent. Mon habit se découd, mais je ne serai pas pion.